foncer sur un chemin noir s'il quitte les sentiers balisés. Chacun peut choisir de vivre fidèle à sa géographie intérieure. Sur les chemins noirs, de Sylvain Tesson, aux éditions Gallimard. France Inter, il est 17h. Les infos, Lionel Thompson. Le démantèlement de la jungle de Calais n'est plus qu'une question de jours, selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Aujourd'hui, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de plusieurs associations qui demandaient de prendre plus de temps pour respecter les droits des migrants. Une décision qui ne surprend pas François Guénaud, le président de l'Auberge des migrants, l'une de ces associations. C'est pas vraiment une surprise. On s'attendait effectivement à une décision négative du tribunal administratif. Il faut rappeler que nous, on demande pas le maintien de ce bidonville. On demandait simplement à ce que les moyens soient pris, donc du temps en particulier, pour trouver des solutions adaptées pour tout le monde, ce qui n'est pas à notre avis le cas. Pourtant, le gouvernement est démenti, notamment par un rapport récent du Conseil de l'Europe, qui met le doigt sur la même chose que nous, à savoir une précipitation dans le traitement des personnes, et en particulier des mineurs isolés. Est-ce que c'est la fin de votre action en justice ? Alors, écoutez, on se consulte, toutes les associations qui avaient déposé ce référé se consultent pour savoir si elles vont en appel. On a de toute façon, nous, des tas d'axes de travail en termes de communication, en termes de protection des mineurs isolés. Donc, nous, de toute façon, on va continuer à travailler. Il n'y a pas de... Cette décision ne stoppe pas nos actions. François Guénaud de l'association L'Auberge des migrants, interrogé sur France Info. Le défenseur des droits Jacques Toubon demande lui aussi que le démantèlement respecte les droits des migrants, notamment celui des mineurs. La circulation de l'Eurostar a été interrompue dans les deux sens cet après-midi suite à une panne électrique. Aucun train n'est bloqué à l'intérieur. On ne sait pas pour le moment quand la circulation pourra reprendre. Manuel Valls a répété aujourd'hui devant l'Assemblée nationale que l'évacuation du site du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes se fera et que les travaux commenceront. Le Premier ministre contredit ainsi une nouvelle fois sa ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, qui estime qu'il vaudrait mieux arrêter le projet. L'Assemblée nationale, qui a par ailleurs entamé aujourd'hui la discussion sur le projet de loi de finances 2017, dernier budget soumis à l'Assemblée avant la prochaine élection présidentielle. Un débat entamé sur fond de doute des capacités de la France à tenir ses engagements sur le maintien du déficit public sous la barre des 3%. Le directeur de la police a décidé d'ouvrir une enquête après la manifestation sauvage de quelques centaines de policiers à Paris la nuit dernière. Pour le député Les Républicains, Christian Jacob, cette manifestation est le signe du ras-le-bol et du désespoir des policiers. Les manifestants exprimaient leur colère toujours vive après l'agression de 4 de leurs collègues il y a 10 jours à Viry-Châtillon, en banlieue parisienne. En Irak, l'offensive de l'armée irakienne et des forces kurdes, déclenchée hier contre le groupe État islamique dans la ville de Mossoul, pourrait durer des semaines, voire des mois, selon le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Une réunion internationale sur l'avenir de Mossoul se tiendra tout de même à Paris dès jeudi. En Syrie, la Russie et le régime syrien ont annoncé aujourd'hui suspendre leurs frappes à Alep. Une pause dite humanitaire pour permettre aux civils de fuir la ville d'ici jeudi. L'ONU s'est félicitée de cette initiative. Les États-Unis sont plus sceptiques. Scepticisme aussi concernant la réunion prévue demain à Berlin sur l'Ukraine. Elle réunira l'Allemagne, la France et la Russie. C'est la première rencontre depuis plus d'un an sur l'application de l'accord de paix de Minsk. Mais la chancelière allemande Angela Merkel n'est pas très optimiste sur les résultats attendus. C'est devenu une habitude. Le Tour de France 2017 ne partira pas de France. Cette année, le départ sera à Düsseldorf, en Allemagne. Le parcours révélé aujourd'hui traversera les 5 grands massifs montagneux français avec une arrivée au célèbre col de l'Isoard et un contre-la-montre individuel à Marseille la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées le 23 juillet. Cécilia Arbona a recueilli les réactions sur ce parcours du coureur français Thomas Vauclair. Quand le parcours a été annoncé progressivement, je me suis dit, ben dis donc, il n'y a qu'une journée dans les Alpes. Je veux bien que des fois on fasse des massifs intermédiaires. Et puis après, j'ai vu qu'on y retournait. Donc, elles retrouvent une place digne de leur nom. Parce que c'est vrai que si on avait fait qu'une journée, ça aurait été un petit peu léger. Ouais. Il y a un défi, c'est de traverser la nef du Grand Palais. Ça vous était venu à l'idée, ça ? Non, j'ai bien vu que sur les petits effets spéciaux, on passait à l'intérieur. Bon, je me suis dit que c'était peut-être histoire d'eux sur le grand écran, quoi. Mais en fait, non. C'est un secret pour personne que les premiers kilomètres dans Paris ne sont pas non plus d'une tension de folie. Donc, la vitesse sera assez élevée, mais on fera quand même attention. De pas casser le Grand Palais, oui. Ouais, on va essayer de rentrer par la bonne porte et de ressortir par l'autre, une ligne droite, ouais. Et en rugby, les trois joueurs vedettes du Racing 92, Dan Carter, Joro Kosoko et Juan Imhoff, qui étaient accusés de dopage après un contrôle positif aux corticoïdes en juin dernier, ont été blanchis par la fédération. Après les avoir entendus la semaine dernière, la FFR ne leur inflige aucune sanction. On va tout de suite à la Bourse de Paris, une bourse, Jean-Yves Courcial, qui a plutôt le sourire ce soir. Et oui Lionel, en belle hausse dès l'ouverture, la place parisienne maintient le cap et à 30 minutes de la fin des échanges, le CAC 40 avance d'1,34% à 4509 points. Le marché profite essentiellement de publications d'entreprises globalement rassurantes, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et au chapitre macroéconomique, un seul indicateur aujourd'hui, l'indice des prix à la consommation qui a progressé de 0,3% le mois dernier outre-Atlantique, conformément aux attentes. D'ailleurs, à New York, le Dow Jones gagne 0,41% et le Nasdaq plus 0,93%. Et du côté des devises, l'euro recule face au billet vert, il s'échange contre $1,0972. En ce qui concerne les valeurs, peu de baisse au sein de l'indice, d'ailleurs il n'y a que Technip qui recule de 0,85%. En revanche, dans le haut du palmarès, après avoir enchaîné 7 séances consécutives de baisse pour un repli de plus de 7%, Capgemini profite d'achat à bon compte et gagne 3,63%. Je vous rappelle, le CAC 40, il gagne 1,32%, il remonte à 4509 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Very good trip, le voyage musical de France Inter. Mishka Assayas. Cette semaine, on revient sur le long parcours de Leonard Cohen, le poète canadien dont les chansons nous accompagnent depuis un demi-siècle et qui est de retour avec un nouvel album. Hey, that's no way to say goodbye. Sa voix sépulcrale, ses chansons sombres mais vibrantes d'espoir seront avec nous tous les soirs. Very good trip. À ce soir. Sur France Inter, à partir de 21h. Pour se relever d'un grave accident, Sylvain Tesson a traversé la France à pied du Mercantour au Cotentin. Par un pays sauvage et oublié, le long de chemins mystérieux. Il a fui le monde, son brouhaha, ses routes, ses systèmes, pour la vérité des paysages, domaine des bêtes et du silence. Il raconte cette incroyable traversée dans son nouveau livre « Sur les chemins noirs ». Chacun peut s'enfoncer sur un chemin noir s'il quitte les sentiers balisés. Chacun peut choisir de vivre fidèle à sa géographie intérieure. Sur les chemins noirs, de Sylvain Tesson, aux éditions Gallimard. MMA Business Entreprise, exclusif. Avec la retraite Madelin MMA, en cas d'arrêt de travail, vos versements retraite sont pris en charge. MMA. Dans les conditions, limitées exclusion du contrat, disponible auprès de votre conseiller. France Inter. On aime. On vous en parle. Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi, sans papa et sans maman. Ma vie de courgette, un film d'animation de Claude Barras. Cette fille dont tu m'as parlé, elle est comment ? Pas mal. T'es amoureux ? N'importe quoi. Placé dans un foyer, Courgette, un petit garçon de 9 ans, va se construire une nouvelle famille et trouver le bonheur. Je te laisserai pas partir. On sourit ? Ouais ! Ma vie de courgette, un film France Inter, au cinéma le 19 octobre. À retrouver aussi dans les émissions de France Inter. 17h08, si tu écoutes, j'annule tout. Oh là bonsoir là. Charline. Oui, bonsoir. On est impatients, c'est pour ça. J'entends ça. Merci pour ces informations, Lionel. Et puis, alors, si on commençait tout de suite, ça vous ennuie pas, on y va là. On démarre. Ouais, vous êtes d'accord? Feu vert. Allez, c'est parti. Salut Charline. Allez, pop, les sujets là, je veux que ça avance. Alors, on a réfléchi. Oui, moi aussi, j'ai déjà des sujets. Super. Alors, en 1, la place de la culture dans la campagne. Ouais. En 2, un article sur le bénévolat des jeunes. Ouais. Et en 3, plus léger, le fait que les Français possèdent trop d'objets. Bah, c'est tout. Merci à toi. Si vous êtes d'accord comme ça. Non, mais c'est bien, c'est parce que c'est bien. Oui, très bien. Mais si vous ne contestez pas mes choix, on n'est pas une vraie rédaction, tu vois. Pardon, désolé. Alors, moi, j'ai assisté à une conférence de rédac du 7-9. Ah bah, je peux vous dire que quand Patrick Cohen propose, on le challenge. Oui, mais ici, c'est différent quand même. Mais pourquoi? Mais parce que c'est toi le chef et qu'au final, c'est toi qui décides seul. Bah oui, voilà, puis comme ça, on gagne du temps. Voilà. Ah non, je suis désolée, mais c'est pas du tout vrai. Allez, hop, pas pour commencer. Petit 1, j'ai pensé à la place de la culture. Ah non, bah attends, Charline, non, je pense qu'on peut pas ouvrir avec ça, du coup. T'es sûr? Bah oui, non, mais avec toute l'actu sur Valls en ce moment. Et puis, c'est clivant. Voilà, c'est bien. Alors, en sujet 2, je verrai bien le bénévolat des jeunes. Ah non, ça me semble bizarre, ça, dans la hiérarchisation de l'information. Ah ouais, mais c'est pas concernant. Nos auditeurs, ils sont vieux, ils s'en foutent. Voilà. Et en 3, le français possède-t-il trop d'objets? Non, c'est nul, ça, c'est un sujet pour Europe 1. Bah c'est nul. Quitte à prendre un sujet con, ils annoncent l'ouverture d'une école de sorciers en France. Ça, au moins, c'est décalé. C'est pas comme ton truc des objets. Excuse-moi de te dire, Charline, mais ils sont nuls, tes sujets. C'est de la merde. Voilà, c'est ça, une vraie rédac. J'aime, j'adore, j'adore. On prend quoi comme sujet? En 1, la culture, en 2, le bénévolat, en 3, les objets, évidemment. Mais ça a servi à rien. Non, mais c'était beau. Toc toc badaboum, bonjour la France Inter. Bonjour à tous, jusque dans les colonies françaises. Vous écoutez l'émission qui vole au-dessus de l'actualité. Et voici les trois informations qu'on va parachuter sur l'antenne jusqu'à 18h. Le journal La Croix se demande où est passée l'écologie. Oh, elle doit être sur une île déserte avec Clo-Clo, Elvis Presley et la culture. Oui, car nous on se demande aussi où est passée la culture. Tu cherches un emploi de chanteur d'opéra. Tu es intéressé par l'opéra? Non, pas vraiment, non. Non, par le chant, tu sais chanter? Non plus, non. Non, non, non, non, non, non, non. Les jeunes boudent les partis politiques, les syndicats et les élections. Ils préfèrent passer directement à l'action. Un tiers des jeunes s'investissent dans le bénévolat. Mais attention, le bénévolat peut aussi tuer l'emploi. Des fois, je me demande pourquoi je te paye. Mais vous ne me payez pas, patron. Nous vivons entourés de beaucoup trop d'objets. Un Français sur deux le reconnaît. C'est la question de l'être et de l'avoir. À quoi ça sert de garder un chien paralysé comme ça? C'est décoratif. Comme un tapis, mais vivant. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui stocke tous ces objets inutiles. Dans notre bureau. Exactement. Alex Vizorek. J'ai eu peur que vous disiez celui qui est décoratif, lui aussi. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et autour de la table, belle équipe pour un invité qui nous aime bien, donc on va essayer d'être bon. 17h20, celle qui est à la musique, ce que les Chinois sont à la gastronomie. On ne sait jamais vraiment ce qu'elle nous fait avaler. Et tant mieux, parce qu'à sa sauce, ça passe bien. Bonjour Mélanie Bauer. C'est sympa, c'est ça, commence bien. Ça commence bien. Bonjour, un livre tout à l'heure qui se demande ce qu'on entend dans les chansons. C'est sait-on vraiment de quoi parlent les chansons? Là est la question. Voyez, on va regarder la recette. 17h30, celui qui est au journalisme, ce que McDonald's est à la boucherie, c'est avec les plus mauvais morceaux qu'il fait son beurre. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Ben moi je me suis rendu justement ce matin au grand salon de l'alimentation, figurez-vous. J'ai rencontré des vendeurs de bouffe qui sont là pour... présenter nos salades. Vous en racontez pas mal ou pas? Pour en raconter pour pouvoir en vendre. Ah, il pourrait faire de la politique, c'est joli. C'est 17h40, celui qui raconte des histoires comme Rocco Siffredi tourne ses films, on ne sait pas où est la tête, on ne sait pas où est la queue. C'est Thomas Bidguin, bonjour. Ouais, bonjour, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler aujourd'hui des noms et donc du malheur du monde. Très bien. Et si t'écoutes, j'annule tout. Est présent dans un monde virtuel. N'oubliez pas sur Twitter, Alex Vizorek vous regarde. Vigilant. Hashtag annule tout. Et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Et nous sommes accompagnés d'un invité de référence. Vous faites vos débuts au cinéma dans Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi. Puis Roger Hanin vous emmène dans Un train d'enfer avant de vous embarquer dans Navarro où vous êtes le fameux inspecteur Barada. On a pu vous voir aussi dans Cuisine et dépendance, Le goût des autres ou La cité de la peur, un chewing-gum Émile. Et votre premier court-métrage Omnibus a reçu une palme d'or à Cannes. En long, vous avez réalisé Kennedy et moi et À la petite semaine. Vous êtes... Sam Carman, bonjour. Oui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Sam Carman. Bonjour. Et aujourd'hui vous êtes au théâtre. Eh oui. Avec Fanny Cottençon, on peut vous voir au théâtre Rive Gauche dans Petits crimes conjugaux. C'est une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. Ah, ça doit être sa première, il n'en écrit pas beaucoup, je crois. Qui s'y est mis? Mise en scène, Jean-Luc Moreau. Ah, ça doit être sa première. Ouais, ça doit être sa première aussi. Hein. Et Alex Vizorek est allé vous voir. Mais oui, Alex, oui, vous êtes venu. Oui, je suis venu. Vous ne m'avez pas attendu à la fin. Mais non, je ne vous connaissais pas encore. Ah. Et surtout, il a détesté. Alors, Alex, on vous écoute. Pas du tout. Je suis venu seul. Et je me suis dit, ah bon, ouais, si j'étais venu en couple, si j'étais venu en couple, j'aurais pu discuter longuement toute la soirée derrière. Exactement, exactement. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine de venir en couple ou faut-il... Oui, oui. Non, c'est bien, c'est bien. Parce que pourquoi? Pitchez-nous un peu l'histoire. Non, mais voilà, c'est un couple qui, il y a des histoires de couples qui se rencontrent, des histoires de couples qui se séparent. Celle-là, c'est une histoire de couple qui veut durer. Ce qui est quand même sympa. Hein. Ça peut être sympa aussi projet. De durer, mais comment on fait? Alors voilà, le pitch de l'histoire, c'est un homme et une femme rentrent dans un appartement et lui est amnésique, complètement. Et donc, il va essayer de retrouver cette mémoire amoureuse, la mémoire avec sa femme, et sa femme va essayer de lui faire retrouver cette mémoire. Mais est-ce que c'est la vérité qu'elle va lui dire? Est-ce que c'est lui, les choses un petit peu transformées, un petit peu, voilà. Et c'est un jeu de manipulation qui va se mettre en place, mais pour la bonne cause, pour l'amour. C'est ça qui est beau, parce que c'est une vision, on passe dans cette pièce, je ne sais pas Alex, dites-moi si je me trompe, mais par tout un tas d'émotions. On commence légèrement et puis on va de plus en plus dans les profondeurs du couple, dans les interstices où parfois ça fait mal, dans les endroits cachés, dans les endroits un peu tordus du couple. Moi, c'est ce que j'aime, personnellement, explorer. En tous les cas, Schmitt, c'est ce qu'il aime puisque c'est ce qu'il a écrit. Et voilà. Et donc, c'est ce voyage-là. Il y a une dimension de l'intelligence aussi et de la réflexion, etc. Exactement. Qui alors, on m'a dit, en promo, ne dis jamais que c'est intelligent, tu vas faire fuir. Ah, mais ça me fait très plaisir. C'est très con, c'est très con. Allez, parce voir la que pièce, si c'est vous, Charline, qui dites que c'est intelligent, c'est de la bonne intelligence. Alors je vous dis, oui, c'est de la bonne intelligence. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe, et vous êtes très très bons tous les deux pour ça, Fanny Cottençon et vous, on s'attache à l'un, puis nouveau l'autre, et puis on repasse comme ça en se disant, lequel des deux est le plus honnête et lequel des deux est le plus proche de moi-même au sein de mon couple. Aussi. Mais c'est un peu construit comme une pièce policière aussi. Exact. C'est-à-dire qu'à l'image du métier de référence de ce garçon que j'interprète, qui est auteur de romans policiers, il va faire une enquête sur son propre couple et il y a des choses trappes, il y a des trahisons, même à l'intérieur de... Je ne veux pas trop dévoiler oui, parce que... Oui, ce n'est pas évident, parce que le point de départ, c'est que donc, Gilles Elizard rentre à la maison et lui ne reconnaît même plus sa maison. C'est-à-dire qu'il ne sait pas où il est, il n'est même pas sûr que sa femme est sa femme, elle le lui dit, et il connaît cette table de multiplication, et c'est là qu'on se dit, mais en fait, comment est fait le cerveau, de quoi il se souvient, de quoi il ne se souvient pas, et petit à petit, il retrouve, il s'adapte, elle lui dit qu'elle ne lui a pas toujours dit ce qu'il fallait dire. Enfin voilà, je ne peux pas en dire tellement plus que ça. Quand vous l'avez lu, est-ce que vous-même vous avez mordu comme ça au fur et à mesure des choses? Oui, mais c'est ça qui m'a complètement passionné. C'est pas... Je tournais les pages en disant, bon, mais c'est vrai ça? Non. Ah d'accord. Ah ouais, mais salaud. Ah mais non, c'est elle. Mais c'est elle en fait. Et donc dans la salle, ça fait tu vois, je te l'avais bien dit. Ouais. Sam Karman. C'est pour ça que j'étais tout seul. Sam Karman. Donc vous formez un duo avec Fanny Cottençon. Oui, qui est une magnifique actrice. Voilà, vraiment, j'ai un plaisir sans fin à jouer avec elle tous les soirs. C'est mis en scène par Moreau, vous l'avez déjà dit, mais ouais, je le répète parce ouais, que si je le répète pas, il va m'engueuler. Bien sûr. Et... Ah oui, nous on veut la paix des ménages, mais y compris avec le metteur en scène. Dans Petits crimes conjugaux d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est au théâtre Rive Gauche, du mardi au samedi à 21h, en matinée le samedi. Non, le dimanche, pardon. Ah, ben, évidemment, le dimanche. On en ne matinée. Joue qu'une fois par jour cette pièce, parce que déjà, c'est bien. Oui, mais ça, c'est le stagiaire de France Inter. C'est le dimanche à 15h. Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've I changed my ways. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I've made my mind up. You're going to be mine, I'll tell you right now. Thinking on your velvet throne, yes. you right now. Any trick in the book, and now, baby. Donovan, Sunshine, Superman, et notre invité Sam Carman aime ce titre. Ah oui, donc beaucoup. Bien ouais. Joué, notre programmateur musical, Djoubaka, qu'on embrasse. Vous êtes sur France Inter, oui, Sam Carman est avec nous, et il est aussi au théâtre. Il va filer ce soir, car à 21h, il joue au théâtre Rive Gauche. Il joue Petits Crimes Conjugaux avec Fanny Cottençon et Alex Vizorek autour de la table. Et autour de la table, nous avons Mélanie Bauer qui parle toujours de musique formidable. Nous avons Guillaume Meurice qui est allé... Vous parlez de couple, hein, je vous ferai remarquer. Oui, oui, c'est vrai que tu n'y connais pas grand-chose en plus. Bien joué. Guillaume Meurice au Salon de l'Alimentation et notre ami Bidguin qui parlera storytelling. J'ai rien compris au pitch, donc ça va être bien. Et maintenant, c'est le moment où on va jouer à être une vraie rédaction parce qu'on va faire un journal. Ouais. Vous allez en prendre plein la gueule. Si on veut pas d'ennui, il vaut mieux pas avoir été président de la République. Le journal de presque 17h17. Ils vont vous écrabouiller. Pas non plus caricaturesque d'une campagne électorale. On commence par les titres. Le parcours du Tour de France 2017 a été dévoilé. Oui, les coureurs passeront par trois pays étrangers, l'Allemagne, la Belgique et Marseille. La grève des journalistes d'Itélé est reconduite. Oui, Morandini a répondu, je m'en branle. Et il y aura des grèves. Oui, et un ivre virgule. Et puis vous dire qu'aujourd'hui, quand même c'est important, c'est la journée mondiale de la ménopause. Ah. Voilà, voilà. Ah. Bah, et quoi, vous faites pas de vannes? Bah, pas à chaque fois. Ah ouais, comme ça, il n'y a pas de règles, quoi. C'est la journée de la ménopause, il n'y a pas de règles, bim. C'est très fin, ça se mange sans fin. Voilà. Passons à la politique. Oui, Nicolas Sarkozy était ce matin l'invité sur France Inter et il a déclaré: pourquoi voudriez-vous que je fasse demain ce que j'ai pas fait hier? Mais évidemment, précisément. Pas con, Nicolas Sarkozy, il a la grinta en ce moment. Ah oui, alors pour les deuxième et troisième débats de la primaire de la droite, comme pour le premier, il se retrouvera à côté de Jean-François Copé. Eh oui, c'est le tirage au sort qui a fait ça, et ben ça leur rappellera le bureau du juge dans l'affaire Big Malion. On passe à gauche. Oui, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, veut remplacer plus rapidement les professeurs absents pour que les élèves perdent le moins d'heures possible. Bah oui, et Jean-Marc Morandini s'est proposé immédiatement pour occuper ces jeunes. Gauche toujours, Benoît Hamon refuse de participer à l'émission de Karine Le Marchand, une ambition intime. C'est dommage, on aurait tellement aimé apprendre si oui ou non il a connu ses premiers émois dans des pages lingerie du catalogue La Redoute. Tu vas nous manquer, Benoît. Passons au souverainiste Philippe de Villiers qui vante les qualités de Marion Maréchal Le Pen. Je le cite, hein, une fille qui a des convictions, qui est courageuse et talentueuse. Ça Marion, méfie-toi, la dernière fille que de Villiers a parlé avec autant d'éloges, elle a fini grillée. International, la Russie et la Syrie ont interrompu leur frappe aérienne sur Alep depuis 7 heures ce matin. Et ironie du sort, hein, ils ont attendu la journée mondiale de la ménopause pour arrêter de faire couler le sang. International toujours. Dans une interview, Melania Trump a déclaré « Mon mari est doux, c'est un gentleman ». Oui, le même argument que Mme Fournirait au procès de son mari. La grève des journalistes d'Itélé, elle est reconduite. Oui, si le mouvement est amené à durer, normalement, aucun journaliste ne devrait toutefois entamer une grève de la faim. Ah, peut-être Morandini quand même. Bah, pourquoi il ferait une grève de la faim? Grève de la faim, ça implique un jeune et un petit jeune. Excusez-moi. Notez que Jean-Marc Morandini s'est félicité sur son blog de ses bonnes audiences en télé. C'est ce qu'on appelle de l'autofellation. Tout à fait. Sport à présent. Le Tour de France 2017 commencera donc en Allemagne et finira sur les Champs-Élysées. C'est vrai que dit comme ça, ça fait un peu nostalgique du Troisième Reich. Mais... Non, avec une bonne blitzkrieg, on ne mettait pas 23 jours pour y arriver. Hein. 23 jours. Ah, c'est moins qu'un cycle menstruel. Voilà, running gag ménopause. On y va. Allez. Sur ce, on passe au brève. Brève, bien sûr. Royaume-Uni, un expert en extraterrestres qui devait donner une conférence sur les théories du complot décède de mort naturelle après avoir prévenu sa mère par SMS qu'il était en danger. Ah, résultat, sa mère ne croit pas à la mort naturelle. Alors tu m'étonnes. Et la dernière? Eh oui, Strasbourg. Il revient ivre à la gendarmerie pour un test d'alcoolémie. Bah, c'est malin. C'est surtout un gros coup au cliché. Ça arrive qu'un gars soit ivre dans une gendarmerie et qu'il ne soit pas en service. Et ça, c'est bon. Vous êtes sur France Inter, il est 17h24, nous sommes en compagnie de Sam Carman. Et on va aborder avec vous le premier sujet. Le journal La Croix s'interroge en une, où est passée l'écologie? On se pose la même question, mais on va se demander aussi, où est passée la culture? En ce moment, tout est politique, mais si tout était culturel, l'imagination serait au pouvoir. La couche-culotte, c'est l'enfant. Ça reste le but fondamental des aides, se reproduire, comme n'importe quelle bactérie. Mais hypocritement, il sublime. L'enfant, c'est beau, c'est l'objet du désir. Alors ici, on désublimise, on montre la réalité du désir, l'inévitable couche-culotte. Mais ça, les gens veulent pas le voir. Ils ne voient que la couche-culotte de leur progéniture. Il faut montrer la réalité dans sa masse. C'est la masse qui révèle. Quand tu fais l'amour à deux, ça peut être beau. À 10, ça devient déjà beaucoup plus viande. Alors imagine 1 milliard de personnes en train de faire l'amour en même temps. Une gigantesque partouze. Mais toi, tu t'en rends pas compte. T'es concentré sur ton mètre carré de partenaire. Alors t'entends pas l'immense orgasme. La cascade, la cataracte de sperme qui déferle de Poitiers jusqu'en Chine. C'est la scène de l'exposition des couches culottes dans la cour de récré d'un prof 1985 avec évidemment Fabrice Lucchini. La culture est totalement absente des milliers d'heures de débats qu'on se farcit partout. Sam Carman, j'imagine vous faites sans doute le même constat et quelle conclusion vous en tirez? Oui, pas pour tout le monde. Non. Alors là, si vous me branchez politique, Charline, on va être sérieux 2 minutes. Non, mais c'est vrai que l'hydre de l'Erne, c'est-à-dire ceux en face, ceux qui disent la même chose à 6, c'est consternant. C'est à celui qui dira... À 7 même, vous parlez de la primaire de la droite. Oui, c'est ça. À 7, c'est vraiment un catalogue de choses. À chaque fois qu'ils disent quelque chose, mais non. Et il y en a d'autres. Pardon, mais je me suis intéressé un petit peu de ce qui s'est passé à Lille ce week-end. Ouais. C'est-à-dire la France insoumise, emmenée par Mélenchon. J'ai été voir le programme. Je me suis un petit peu documenté en me disant, ben voilà, il y a une vraie révolution culturelle, mais c'est au sens large. C'est-à-dire, c'est pas seulement la culture dans chaque chapelle, les scénaristes, les acteurs, le cinéma, le théâtre. C'est important. Mais c'est la culture, c'est le changement de société qui nous attend. Parce que quand même, à un moment donné, il faut arrêter d'en parler de ce changement de société. Il faut juste le faire. Mmh. Et lequel il fait par l'écologie, au sens profond, au sens large, et qui va... C'est ça le projet culturel pour l'instant. Je crois que c'est celui-là, parce que dans 100 ans, on n'est plus là, quoi, si ça continue comme ça. Le culturel englobe des tas de choses, ouais. Il englobe nos choix pour l'environnement, la Exactement. Culture, c'est aussi un choix de civilisation, Exactement. Etc. C'est ça. Au-delà des financements de films, etc. Exactement. C'est ce que je pense en ce moment, parce que c'est des moments de l'histoire, où on arrive à un moment de l'histoire, où il faut... C'est plus des mots, quoi. Ce changement de société, il le faut. Alors, justement, on va rappeler que vous faisiez partie à un moment de Nouvelle Donne, ouais. Que vous avez quitté avec la charrette des 60 personnes qui sont quittées. Oui, parce que c'était plus un think tank qu'un parti politique, et que je crois que celui qui réussit comme Nouvelle Donne, c'est-à-dire que vraiment, c'est pas le parti d'un homme. Tout le monde me dit, mais Mélenchon, il fait peur. Mais moi, c'est les autres qui me font peur. C'est pas Mélenchon. Ouais. Mélenchon, il n'est pas tout seul, il est entouré. Je veux dire, et sur le plan vraiment de l'écologie et sur de cette mutation, il est là. Et c'est aussi c'est le seul Mélenchon qui parle. C'est vrai que Mélenchon est le seul qui parle le plus d'écologie, oui, finalement. Et de renégocier les traités européens, parce qu'il faut aussi une autre Europe en même temps. Vous avez dit quoi, Guillaume Meurice? J'ai pas entendu. Le quinoa. Quinoa. Ah, qui mange des salades de quinoa, c'est vrai. Moi, je vais arrêter de manger du quinoa et des protéines animales en même temps. Autre question, Sam Carman. Justement, l'environnement est absent, sauf qu'il y a quand même Europe Écologie Les Verts, qui même si ils sont moyennement présents et que c'est une lampe... Il faut qu'ils se rallient. Il rallume une petite lampe qui est certes à basse consommation. Oui, je fais le geste comme ça, papa. La lampe. Mais ils sont là pour rappeler que c'est là. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, un parti... de la culture ou culturelle qui rappellerait à chaque fois, parce que juste pour rappeler que la culture doit faire partie mais de... Je ne sais pas s'il va arriver, si Mélenchon va arriver à avoir la culture avec lui. On n'est que 100 000 dans la culture. C'est lui qui l'incarne, vous voulez dire. Mais oui, je trouve qu'il... C'est collaboratif ce qui s'est passé, ce que je veux dire, dans ce mouvement-là, JLM 2017, à l'instar de Nouvelle Donne, c'est tous ces gens qui ont travaillé et qui font remonter des idées tellement, tellement évidentes. À chaque fois qu'on lit les programmes, on fait ça oui. Il y en a 300 propositions, même s'il n'en fait que 30, si elles sont bien. Les autres, ils en ont 30, elles sont toutes nulles. Donc, je veux dire, parce qu'on sait bien qu'on est en campagne et qu'ils pourront pas tout faire. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un élan là qui se passe ce qui a émané de Nouvelles Donnes, etc. Peut se rassembler avec Europe Écologie Les Verts. Exactement. Si tout le monde est d'accord, ouais. Y compris Mélenchon, ouais. Qui pour l'instant est parti tout seul. Mais qu'on le rejoigne, qu'il le rejoigne. Il faut qu'il le rejoigne, parce que sinon, il va se passer quoi? Il n'y aura pas de gauche, zéro gauche. Il y aura un premier tour, il va arriver en tête. Et puis fini. Et puis à l'arrivée, au deuxième tour. Le couple Duflo voilà. Mélenchon, c'est petit crime conjugaux, si je peux me permettre. La pièce à laquelle joue Sam Carman. Oui, mais les enjeux sont trop graves, il faut qu'ils se mettent d'accord. Ouais. Vous êtes sur France Inter avec un Sam Carman très engagé, ça nous réjouit. Et Mélanie Bauer, engagée aussi aujourd'hui dans la musique, dans la chanson française, le texte. Oui, parce que la culture, ça n'est pas qu'un problème d'intermittence du spectacle. Nous sommes d'accord, hein. La culture, c'est autre chose. Ça ne se hiérarchise pas, il n'y a pas d'un côté les classiques, de l'autre les arts mineurs. Il est absurde de confronter le cinéma à la télévision, la littérature à la bande dessinée, le théâtre au cirque, la poésie à la chanson. L'art est partout, il suffit d'être ouvert pour le comprendre. Et c'est vrai que c'est un grand souci avec les hommes politiques qui nous expliquent que la culture, c'est une petite chose qui n'intéresse pas les gens. C'est d'ailleurs le propos du livre que je voulais vous présenter, car oui, Guillaume Meurice, même si j'écoute de la musique, je lis aussi des livres. C'est le livre de Serge Hureau et Olivier Hussenet, « Ce qu'on entend dans les chansons », des berceuses au grand succès du répertoire français, avec une préface qui devrait bien vous remettre les idées en place. Je cite les auteurs, ça c'est pour vous Alex Vizorek, Serge Hureau et Olivier Hussenet. « La chanson est l'art qui saisit l'air du temps, le chant intérieur d'une époque, un art si subtil que l'on ne voit plus que c'en est un. » Ça vous parle? Mais bien sûr. Ça vous fait penser à votre papa? Moi, les songwriters, j'aime bien. C'est ce qui est intéressant dans ce livre, c'est la démonstration que plus on écoute les chansons, moins on les comprend. Elles deviennent des souvenirs, des sensations. Elles perdent peu à peu leur signification. Exemple, « Au clair de la lune ». Oui, Isabelle Aubrac. Jean-Baptiste. Isabelle Aubrac, qu'on embrasse. Ah oui, voilà. Et sa sœur nous écoute, on l'embrasse aussi. C'est Michel Drucker. Jean-Baptiste Lully, 17e siècle, célèbre berceuse, où le fin et tendre Pierrot se met au lit quand Arlequin, le Vénitien à masque de chat, frappe à sa porte parce que sa chandelle est morte, qu'il n'a plus de feu et qu'il voudrait bien, très subtilement, que Pierrot lui prête sa plume. Mais non, pas au clair de la lune. Pierrot, plutôt que de lui prêter sa plume, l'envoie chez la voisine qui lui ouvre sa porte au nom du dieu de l'amour. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. Oh là, c'est chaud. La chanson se termine par ces mots. On chercha la plume, on chercha le feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouva, mais je sais que la porte sur eux se ferma. C'est très, très érotique tout ça. Tension sexuelle. Autant vous dire que chanter cela aux enfants, ça paraît invraisemblable. Et ça donne envie de se pencher un peu sur un autre classique de la chanson française, Allumer le feu, de Johnny Hallyday. Oh là là, un petit problème de plume. Quelle belle journée. mais pas de Johnny. Non, c'est pas dans le livre. Dans ce livre, un peu de yéyé tout de même, avec France Gall, poupée de cire, poupée de son, où Gainsbourg s'inspire du héros romantique Beethoven pour subtilement nous éclairer sur la tragédie de cette chanteuse que l'on prend pour une cruche et qui chante un amour auquel elle n'a pas droit. Il y a aussi Barbara et Göttingen, la résilience d'après-guerre, beaucoup de classiques sur le statut des femmes, pas la ménopause, c'est dommage, l'esclavage, l'antimilitarisme, etc. Et puis je terminerai avec Charles Trenet, cette chanson d'apparence joyeuse, Je chante. Ah, Sam Carman, ça vous fait réagir? Oui, mais parce qu'hier, on m'en a sorti une excellente qui est dans le sujet. Je t'attendrai à la porte du garage. Ah oui, je t'attendrai à la porte du garage, peut-être que c'est autre chose. Tout est une question d'interprétation, c'est écrit aussi dans le livre. Je chante, qui est en réalité une chanson horrible, une histoire atroce, celle d'un vagabond qui choisit de se pendre en prison avec une ficelle plutôt que de continuer à mourir de faim. Une histoire qui résonne avec la vie du chanteur Trenet, traîné en justice par la famille d'un jeune garçon de 18 ans qui n'aurait jamais dû prendre en stop et qui lui vaudra un séjour en prison. Une chanson qui enfin pose la question de la postérité. Je chante sur les chemins, je hante ferme et château, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Je chante, Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais le faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinités de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit au poste. Ah mon ami, oui, oui, oui, oui, c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni. Thomas de Guin. Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit. Et depuis, je chante. Eh ouais, je chante toi, du matin. Allez, gars, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas, non, non. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim. Et je chante sur mon chemin. Thomas Bideguin, je chante. Ah ben c'est un cadeau pour vous. Ah mais moi Charles Trenet, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Miracle sans nom à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel. Moi je vous dirais que ça c'est tout. Charles Trenet, moi j'adore. Merci, merci Mélanie Bauer. Le livre c'est Serge Giraud et Olivier Husnet, ce que l'on entend dans les chansons aux éditions Point. Eh oui, on a réécouté la chanson avec une autre oreille, un autre regard, et Thomas Bideguin nous disait qu'il court, il court le furet, c'est... C'est il fourre le curé, c'est voilà, bien vous connu. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Sam Carman. Et c'est Carman. La journée de l'andropause, non, c'est la journée de l'ostéoporose. De la ménopause. Oui, la ménopause. Sam Carman est avec nous, et à côté de lui, il y a bien sûr Guillaume Meurice. Oui, moi je vais vous parler de bouffe aujourd'hui, parce qu'on le sait, hein, selon le fameux adage, nous sommes faits de ce que nous mangeons. C'est comme ça qu'on sait que Vincent Bolloré mange ses propres déjections d'ailleurs, hein, et qu'il les met à l'antenne, un petit peu comme le bousier, ce petit insecte qui roule sa boule de caca, vous avez vu. Voilà, ben voilà, c'est comme Vincent Bolloré. Alors pourquoi je vous parle de scatologie aujourd'hui? Parce que je me suis rendu ce matin au grand salon de l'alimentation à Villepinte pour tenter de savoir de quoi nous serons faits demain. Et on commence sans plus attendre avec un vendeur de viande de canard dans laquelle j'avais repéré sur l'étiquette un curieux produit. Qu'est-ce que c'est le lactate de sodium? Le lactate de sodium, ça faudrait demander aux grands spécialistes qui font les marinades. Ah. Moi je fais que du canard. Oui mais c'est marqué là qu'il y avait du lactate de sodium dedans, j'aimerais bien savoir ce que c'est moi. Mais vous voyez, vous pervertissez le système. Allez demander aux gens, je peux vous donner le nom de la personne qui fait ça, et puis vous irez les voir. Mais vous vendez un truc, vous savez pas ce qu'il y a dedans? Mais on sait exactement où vous voulez en venir. Mais oui, je veux en venir à savoir ce qu'il y a dans ce putain de morceau de canard. Je dis pas forcément que c'est du poison, je dis juste que j'ai jamais vu un canard se faire une intraveineuse de lactate de sodium, c'est tout. Alors, dans la bouffe, il y a également pas mal de conservateurs, ça on le sait. Je parle pas des conservateurs au niveau politique, hein. Y a pas des morceaux d'Henri Guénaud dans la bouffe, c'est dommage d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Là, je parle de chimie pure, je suis allé voir un vendeur de charcuterie. Pourquoi il y a des conservateurs? Alors, vous avez du mal à regarder sur les produits rendus. On a très très peu de conservateurs. On est une entreprise régionale. Il y en a quelques-uns. C'est pour ça que j'ai vu sur l'étiquette. Voilà, mais on est du coup j'ai bien regardé. Nos saucissons, par exemple, nos saucissons à cuire sur les briochés, on est sans conservateur. Le seul colorant qu'on utilise, c'est du carmin cochenille, qui est un colorant naturel. Qu'on fait comment? Je rentrerai pas dans le détail de ça, mais voilà, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Ah ben, moi, je vais rentrer dans le détail de ça, du coup. Alors, effectivement, c'est naturel, mais le carmin de cochenille s'est fait en écrasant un insecte qui s'appelle donc la cochenille. Voilà, donc en bouffant du saucisson, vous bouffez pas que du cochon mort, vous bouffez de l'insecte écrasé. Un bon appétit, bien sûr. C'est important de se renseigner parce que si ça se trouve, dans le pâté en croûte, il y a des morpions. Voilà, hein, je préfère préciser. Les insectes, il y a des protéines. Oui, exactement. Bien moi, sûr. Je suis pas contre. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est un débat. Attention, il n'y a pas de jugement moral. Hein. Oh, mais non. Moi, je suis là pour donner l'information. Après, vous vous démerdez avec ça. Si vous voulez bouffer de la merde, allez-y. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, parce que j'avais une autre question pour lui, justement. Comment on est sûr que les cochons qu'on trouve là-dedans, ils n'ont pas mangé des antibiotiques? Non, bien sûr. On est pas sûr. Hop là, alors ça c'est le bruit de la main sur le micro. Voilà, alors ça c'est très classique. Alors c'est flippant un petit peu, hein, parce que c'est vrai que c'est plus un secret. Mais dans un bout de jambon, il y a autant de traitements que dans toute la caravane du Tour de France. Il faut être honnête, hein, c'est quand même hyper rare qu'on soigne les cochons aux huiles essentielles. Alors moi je suis végétarien, donc ça me concerne pas. En revanche, ce qui me concerne, ce sont les pesticides qu'on trouve dans les salades, par exemple. Qu'est-ce qu'il en pense, ce vendeur de salades en plastique? On peut pas faire un produit 100% naturel. Oh, mais est-ce que c'est pas un problème pour la santé? Du tout. Et regardez-moi, ça fait 15 ans que je mange de la salade et je me porte en pleine forme. Mais vous mangez de la salade bio, ça se trouve vous mangez pas ce que vous vendez? Si, tous les matins. C'est pour ça que vous êtes un peu palo, j'ai l'impression. Peut-être. Oui, il l'était. Alors je l'ai laissé vomir du sang hein, sur ses laitues en caoutchouc et puis je me suis éloigné. C'est vrai que c'est toujours dommage hein, d'avoir voulu faire producteur de salade pour finir producteur de cancer. Mais c'est vrai aussi que c'est compliqué de s'alimenter parce qu'évidemment, plus on cherche à être intègre et responsable, plus c'est cher. Mais c'est pas une fatalité, je vais vous dire, parce qu'on peut aussi bouffer des aliments absolument pas éthiques, mais hors de prix quand même. Et ça, c'est bien, ça, c'est possible. En mangeant du quoi? Kangourou, bison, autruche, antilope, zèbre, voilà. On peut manger un steak de zèbre. On peut manger un steak de zèbre. Ah, c'est excellent, c'est une viande très tendre et voilà, qui est très festive. Donc, le zèbre, c'est festif. Le zèbre, c'est festif. Ça, on le dit pas assez. Là, on le dit jamais. Et oui, on a tort, hein. Le zèbre, c'est vraiment la joie. La joie et la bonne humeur. Alors, pas pour lui, hein, pas pour le zèbre, hein, puisqu'on le dégomme à coups de carabine en pleine tronche dans la savane, mais pour nous, c'est la régalade. Et c'est pas le seul animal dit exotique qui fonctionne en ce moment. Alors le crocodile, gros buzz sur le crocodile, tout le monde adore ça, je sais pas pourquoi, c'est une viande qui fait rêver les gens. C'est pas en voie de disparition les crocodiles? Non, c'est élevé pour les sacs à main à la base. Ah oui. Et voilà, et une fois que le sac à main est fait, bah, il reste toujours la viande. Et c'est là qu'on voit toute la subtilité de l'homme face à l'animal. Vous ne verrez jamais une femelle crocodile avec un sac en peau de vieille du 16e. D'ailleurs, elle la boufferait même pas la femelle crocodile, hein. On le sait, les crocodiles ça n'aime pas le botox. Alors évidemment, ces viandes-là viennent de loin, est-ce que ça pose pas un problème écologique? Alors pas du tout, c'est que du surgelé. Donc ça vient par bateau, mode de transport le moins polluant au monde. Et non, loupé, parce que le bateau, c'est un des moyens de transport les pires au monde en termes de pollution. Alors à moins qu'ils viennent en bateau à la voile, hein, mais là, c'est plus des steaks de zèbre que vous bouffez, mais des steaks d'asticots directement. Donc vous le constatez, hein, si on est fait de ce qu'on avale, on devrait pas tarder à se transformer en couleuvre. Merci Guillaume Meurice. Oh, yeah. Le poème, voilà, à votre service. Vous êtes sur France Inter, et nous aussi, ça tombe bien, dites donc, avec Sam Carman, qu'on peut voir au théâtre dans Petit Crimes conjugaux avec Fanny Cottençon dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau. C'est une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. Vous êtes au théâtre Rive Gauche. On va aborder le deuxième sujet avec vous avant la chronique de Thomas Bideguin. La jeunesse déserte les partis, les syndicats et même les urnes. Pourtant, elle s'engage massivement dans le bénévolat. L'action citoyenne, c'est un acte politique. Ça peut démarrer d'un rien. Il suffit d'avoir une étincelle, d'avoir l'envie d'avoir envie, quoi. Bah moi déjà, j'ai pas peur de me lever tôt. Moi, 9-10 heures du matin, je suis là, je suis au taquet. Oui, ça va être un peu route, mais je me lave pas pendant 4 jours, je suis habituée en festival. Partir 8 mois, mais non, mais c'est pas grave, le temps c'est une notion capitaliste. Moi j'ai pas de montre, et puis dans ma tête, je suis déjà là-bas, l'Afrique. L'Amérique du Sud, c'est mon kiff, nos pasaran. J'ai pas vraiment d'expérience dans l'humanitaire, mais j'en ai grave parlé avec ma cousine déjà. J'ai fait grave de babysitting, et puis un enfant qui meurt de faim, c'est un peu comme un enfant normal, ça a besoin d'amour. Ici j'ai un cœur, et un cœur c'est fait pour donner de l'amour aux gens. Voilà, moi la souffrance des gens, je la transforme en énergie positive. Mais voilà, je rends les gens heureux, quoi. Voilà. Voilà. Je pars quand vous voulez, je suis dispo. La publicité, c'est parfois rigolo. C'était une publicité pour Solidarité Internationale avec ce slogan « Tout le monde ne peut pas aider sur le terrain, mais tout le monde peut faire un don ». Alors, c'est aussi un dossier dans La Croix aujourd'hui qui explique qu'un tiers des jeunes est engagé dans le bénévolat. Le bénévolat, Sam Karman, c'est aussi un acte politique. Bien sûr. C'est pas le militantisme à la papa-maman, mais on peut pas vraiment dire que les jeunes soient pas engagés. Ils s'engagent différemment. Vous voyez ça comme même ça les vieux. Ouais. Même les vieux, parce que moi je suis un vieil engagé. Engagé voilà. Dans quoi par exemple? Dans une association qui s'appelle l'Hippocampe et notamment dans un festival de court-métrage qui s'appelle le festival Regard Croisé qui a lieu tous les ans à Nîmes. À partir de l'an prochain, ça sera à Saint-Malo. Et c'était il y a 15 jours. Et on donne la parole aux populations, on va dire, en situation de handicap, puisque c'est le mot, on ne dit pas handicapé, on dit en situation de handicap. Alors qu'ils s'en foutent de ces appellations. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir traverser les rues correctement, d'avoir des endroits adaptés. Et on leur demande de faire des films. Et donc, film de 6 minutes où ils interpellent le monde et l'entreprise pour dire, écoutez les gars, le handicap n'empêche pas le talent. On est autrement capable, file-nous une chance. Voilà. Ouais. Festival Regard Croisé, en ligne, on trouve toutes les infos. Et là, c'est une manière d'être, de faire de la politique citoyenne. Exactement. En se disant, voilà. Mais j'y crois de plus en plus. Ouais. Et d'ailleurs, si on allait au bout de l'affaire, on parlerait du revenu de base. Et le revenu de base permettrait à chacun, là où il est, de s'engager dans quelque chose qui le fait vibrer. On passerait plus du travail, il y en aura de moins en moins. Hein. Donc il va falloir faire autre chose. Et ça laisse utile. Le temps pour se cultiver. Exactement. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et rapidement, comment est-ce que vous êtes venu, vous, à l'engagement? On voit que les jeunes, ils passent par exemple par le bénévolat plutôt que par un parti ou un syndicat. Vous, c'était quoi le déclic? Vous vous rappelez dans votre jeunesse le moment où vous vous êtes dit ça y est, là je m'engage? Je m'engage où? Je ne comprends pas très bien. Non, mais là, le moment où. Plus jeune, je m'engageais que ma gueule. Je voulais ça bosser. Arrive plus tard, oui, ça arrive plus tard. Oui, ça. Ouais. C'est-à-dire que quand on commence à un petit peu calmer son ego, calmer sa vie professionnelle, qu'on fonde une famille, qu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus besoin d'être aussi intense pour avoir les choses et que les choses finalement arrivent, bon, ben voilà, on s'ouvre aux autres. Et c'est vrai que aussi cette enquête dans La Croix montre que les jeunes bénévoles sont quand même des jeunes qui sont assez à l'aise. Ça me donne un espoir, peut-être. Je voyais la tête d'Alex. Ouais. Ah ouais, non, mais voilà. Pour être bénévole et que ce ne soit pas du travail gratuit, il faut quand même être un minimum à l'aise aussi. Oui. On en reparlera d'ailleurs de cette question du bénévolat. On rappelle l'association. Oui. Comme ça fait un petit c'est message. L'association Hippocampe et c'est le festival Regard Croisé. Et voilà, comme ça on a posé un acte aussi citoyen. Merci. Avant Thomas Bideguin. Voilà. Oui, voilà. C'est donc à moi, à nouveau. Une fois de plus, je viens vous parler de storytelling, malgré la grève de la rédaction et la démission du directeur adjoint et l'arrivée des frères Bogdanov. Charline a insisté pour que je sois à l'antenne. Elle est comme ça, elle croit en la présomption d'innocence. Ça, c'est elle. La storytélé. Voilà. Oh oui. Eh bien, le thème du jour, ce sont les noms. Les mots que l'on colle sur les objets, les concepts ou les sentiments, ou même sur les gens, pour qu'on les reconnaisse. Comme Albert, par exemple, qui était le prénom d'Albert Camus, qui disait justement « Mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde ». Bon, tout le monde la connaît. Mais c'est très intéressant. Prenez par exemple le poulet. Pour rejoindre un peu ce que vous nous disiez, Guillaume. Prenez le poulet, par exemple. On appelle toujours ça le poulet. Alors que c'est très différent de ce qu'était le poulet avant. Ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même texture, mais on continue d'appeler ça du poulet. Et du coup, tout le monde peut manger du poulet, sauf que bon, c'est plus vraiment du poulet. Mais ça a gardé le même nom. C'est un peu pareil avec le cinéma. Maintenant, souvent, les films ils sont fabriqués par des animateurs qui font évoluer des programmes informatiques en 3D pour produire du spectacle. Mais on continue à appeler ça le cinéma. Un peu comme quand il y avait des acteurs en noir et blanc qui s'agitaient sous des lumières devant des caméras. À l'époque, voilà, on voit que les noms évoluent moins vite que ce qu'ils désignent. Les téléphones, par exemple. Vous vous souvenez de ce que c'était un téléphone? Vous vous souvenez de combien ça pesait? Vous vous souvenez que c'était accroché au mur? Eh bien, on continue d'appeler ça un téléphone. Et c'est comme la gauche, on continue d'appeler ça la gauche. Ou c'est pareil avec Sarkozy, que l'on continue d'appeler Sarkozy, et toujours pas matricule 428 FT67. Eh ben, c'est même pareil avec Dieu, qui est devenu très très méchant et qui cherche tout le temps à nous punir de je sais trop quoi, en nous envoyant Daesh ou la Manif pour tous, et qui a donc, à qui on donne pourtant le même nom qu'avant, que quand on était petit, et qu'il était hyper sympa avec sa grosse barbe et qui se contentait de nous palucher dans les confessionnaux. Voilà, ce ne sont pas les mots qui ont changé, ce sont les choses. Il y a le critique d'art Hector Holbach, et elle avait une théorie très intéressante là-dessus. Il disait qu'au début du siècle dernier, les peintres figuratifs, ils prenaient un pinceau et une toile et ils peignaient des pommes. Et puis, on a enlevé les pommes et c'est devenu l'art abstrait. Et puis ensuite, on a enlevé la peinture et la toile et là, c'est devenu l'art conceptuel. Et aujourd'hui, parce que le monde a évolué, parce que le monde a besoin de nouvelles représentations, on peut recommencer à être figuratif. Parce que ce sont les pommes qui ont changé. Vous voyez, le monde se transforme et les noms doivent le suivre. Seulement, c'est ce qui rajoute d'ailleurs souvent au malheur du monde, lorsque les noms changent, c'est généralement le signe que les concepts eux-mêmes restent inchangés. Par exemple, on va nous beurrer l'arrêt avec cette élégance. On va, c'est bien dit, avec un nouveau nom comme identité nationale, par exemple, ouais. Alors qu'on pourrait très bien continuer à appeler ça de la xénophobie. Au moins, ça aurait le bénéfice de la clarté. Ou c'est comme les non-voyants. Ils savent très bien qu'ils sont aveugles. Et ben aussi maintenant, par exemple, un type qui regarde les fesses d'une fille dans un bar, on va appeler ça un sale porc misogyne. Alors qu'avant, on appelait ça un garçon. Et ben pourtant, ce ne sont pas les fesses qui ont changé. C'est comme ça, c'est devenu très difficile de dire à une fille qu'elle est bien gaulée sans passer pour un vieux réac, alors qu'on sait bien que les filles, elles peuvent ouvrir notre cœur en deux et chier à l'intérieur, et ça, on continue à appeler ça de l'amour. C'est comme ça. Je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui. Voilà. Et on pense à l'idée qu'avait eue Jean-Yann à un moment à propos des chômeurs. Il proposait de leur donner des cours d'art dramatique. Comme ça, au lieu d'avoir des chômeurs, on aurait des acteurs. Ça ne change pas grand-chose, de toute façon, ils n'ont pas de travail. Sauf qu'un pays avec 3 millions de chômeurs, ça la fout mal. Et qu'un pays avec 3 millions d'acteurs, tout d'un coup, ça a vraiment de la gueule. C'est on appellerait ça le cours Florange. Le nom change et la peine reste la même. Alors voilà qu'on appelle ça du baratin, des légendes, des histoires ou du storytelling, comme on fait maintenant. Notre devoir est de trouver les mots justes pour raconter les malheurs du monde. C'est pas la peine d'en rajouter. Merci Thomas Bideguin. Voilà les gars. Et si on appelle le chômage, on l'appelle plus le chômage, mais la courgette. Mais pas mal. C'est plus festif et en plus il n'y a plus de chômage. Parce que c'est de la courgette. On peut inverser la courbe de la courgette. On est payé avec 3 millions de courgettes. Ouais, l'autre, il va aller demander s'il y a des pesticides dans la courgette. Non, mais voilà, par exemple, l'UMP, il y avait des affaires, mais maintenant c'est les Républicains. Il n'y en a plus. C'est magique, votre chronique. Merci Thomas Bideguin. Je vous en prie. Je rappelle qu'on peut vous réécouter sur franceinter.fr et voir en vidéo parce que vous êtes tellement bien sapé que ça vaut aussi le coup pour le plaisir des yeux. Nous sommes avec Sam Carman jusqu'à 18h. Alors, on en profite avec ce troisième sujet de fond. Attention, parce que c'est un sondage exclusif du Huffington Post. Attention. Oula. Un Français sur deux déclare posséder trop d'objets. Ah. Sondage exclusif, ça veut dire sans doute qu'ils ont dépensé plein de sous pour ce sondage et qu'il faut le faire savoir. Oui, alors je vois des doigts qui se lèvent. Attendez un petit peu. Il fait partie du Français sur deux. Exactement. Et plus on est riche, plus on a d'objets inutiles et de place pour les ranger, bien sûr, puisqu'on ne s'en sépare pas. Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica, mais ces outils, pour quel jardin, je n'en sais rien. Qui lira ces bouquins d'histoire, qui sourira dans son miroir? Et les habits, je n'en parle pas, qui portera ce blouson-là? Ce que je veux pas, c'est croiser quelqu'un qui l'a sur le dos. Je tuerai ce salaud, ou j'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Je voulais en arriver jusque là. Ça vit plus longtemps que les gens. Alors évidemment, on en a tout plein, hein, comme les gens aussi, mais bon. Philippe Catherine, un extrait de son dernier album. Ce que vous n'utilisez pas, qu'est-ce que vous en faites, Sam Carman? Vous accumulez, vous stockez comme un Français sur deux? Alors, il y a trop de choses. Pour moi, dans la vie, il y a toujours trop de choses. Et donc, c'est un conflit perpétuel avec, avec mon épouse. Donc, je donne une durée de vie provisoire aux objets. À mon épouse. C'est-à-dire que quand... je laisse une semaine, deux semaines. Mais quand au bout de deux semaines, je vois qu'un objet n'a pas bougé de place, qu'il est toujours là, ça veut dire que je n'ai pas pensé à lui. C'est-à-dire qu'il doit disparaître. Ah, c'est génial comme tactique. Est-ce que ça marche avec vos enfants? Ils ne sont plus à la maison. Ah, oui, oui. Ça, ils ne bougent pas pendant 15 jours. Alors, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'il existe le bon coin, il existe de le laisser sur le trottoir, alors, de le donner à quelqu'un. Oui, alors je suis le contraire d'un commerçant. À chaque fois, je commence par... Je ne sais pas négocier. J'ai un vrai problème avec ça. Donc, je ne vends pas les choses. Je les donne si possible. Personne n'en veut, donc je les jette. Mais alors, c'est quoi comme type de... Non, vous recyclez, vous voulez dire. Vous recyclez. Oui. Non, mais à la déchetterie ne mord pas. Je ne présente plus mes papiers, on me reconnaît. Mais alors, c'est quoi? Est-ce que c'est comme la plupart des Français, c'est des souvenirs de voyage, des bibelots et des objets en lien avec la famille, par exemple? Non, mais de tout, trop de tout. Non, mais je peux même donc pas vous consommez beaucoup, alors vous en voulez de consommer? Oui. Oui. Non, mais je suis un être coupable de A à Z. Je me lève le matin avec ce sentiment de culpabilité énorme. Mélanie Boer, vous avez trop d'objets, vous stockez aussi? Moi, j'ai mon conjoint qui est comme lui, là, qui me force à tout jeter. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui garde. Je suis une sentimentale. Ouais. Cela dit, j'ai conscience de la pollution. Et je peux dire un truc? Mais bien sûr, on est là pour ça. Vendredi, j'organise un concert. C'est la reformation des objets, le groupe. Objets. Mais où ça? C'est à la Java. Et donc, c'est voilà, à Paris. À Paris, le concept de l'objet en musique, c'est un concept important depuis très longtemps. Ah, mais voilà. Alors vous viendrez nous en parler pour une chronique alors. Thomas Bideguin, vous accumulez, je suis sûre, non? Non, pas vraiment. Mais non. En fait, il y a un Français sur deux qui pense qu'il a trop d'objets et l'autre Français, normalement, c'est son ex-femme, donc ça va s'équilibrer. Effectivement. Et puis, historiquement, l'accumulation d'objets permettait de montrer un statut. L'intérieur encombré bourgeois montrait une aisance financière. Et cette fois, les riches cherchent plutôt l'épure et cachent le reste dans les greniers. Donc, il y a une perspective historique, sociale. Donc, les riches planquent des trucs. Les riches, ah bon, c'est fou, hein? Ouais. Bizarre. C'est l'argent, c'est bizarre. Le vrai souci de la pollution aujourd'hui avec les objets, hein, puisqu'on a de plus en plus de gens qui produisent des objets pas chers pour qu'on puisse les acheter. Et puis Sam Carman, les mots s'envolent, alors ils ne nous encombreront pas si vous partagez avec nous ce petit sketch. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de Gaston Lecat, qui est un électeur à la primaire écologiste? Et c'est un chat qui a été inscrit par la journaliste du Monde pour prouver que c'était très facile de voter à la primaire écologiste. Une affaire donc pour Navarro. Vous retrouvez votre rôle de Barada. Guillaume Meurice à Navarro, le physique a changé par rapport à Roger Hanin. Pas la coiffure. On peut mettre deux Guillaume Meurice dans Roger Hanin. Charline est la journaliste. Ah bon? Ah, les gens ne sont pas bien. Il faut que je prenne une voix plus haut parce que j'étais beaucoup plus jeune. Très bien. Allez-y. Pour être honnête, parfois je préférais qu'il y ait que les chats qui votent en France. Ah, Poisson aura une chance d'être élu. C'est ici, inspecteur. Qui est-ce? Bonjour, commissaire Navarro. Ah, je vous adore. Oui. C'est bien vous qui avez inscrit votre chat à la primaire des écolos? Oui, tout à fait. Pourquoi ça pose un problème? Madame, là, il y a de quoi fouetter un chat. Non, mais je vous jure, il est très écolo et il fait dans la toilette sèche. Alors. Vous êtes en train de me dire qu'il a toujours voté écolo? Non. Toute la période Jean-Vincent Placé, il était plutôt angoissé. Pourquoi? Vous savez, les Asiatiques, ce qu'ils font avec les chats. Hein. Bien sûr. Et lui ne mangerait pas du Jean-Vincent Placé? Non, il mange du tofu, du quinoa... Vous allez me dire qu'il fume de l'herbe? Non, lui c'est de l'herbe à chat, lui. Non, madame, est-ce que d'autres personnes ont voté dans cette maison? Mon Yorkshire n'a pas voté. Bah non, c'est un chien. Non, pas du tout, non, c'est parce qu'il est de droite, alors il ira voter NKM. Pourquoi NKM? Il trouve qu'elle est bien toilettée. Voilà. Non, on nage en plein délire. Et le ficus, là-bas? Lui, il a voté pour Michel Rivasi à la primaire écolo, évidemment. Vous foutez de nous? Mais pas du tout, enfin, il la trouve très décorative aussi, et il se sent bien représenté par elle, c'est normal. C'est bon, c'est tout? Non, à la CAB, j'ai un marteau qui vote communiste, en cuisine, les casseroles sont sarkozystes. Non, c'est bon, ça ira. Non, mais j'ai même une veste réversible qui soutient Macron. Enfin, madame, c'est sérieux, la politique. En agissant de la sorte, vous truquez les résultats. C'est important de respecter les urnes. L'urne, je la respecte. Hein. Dedans, il y a ma mère. Elle roule à fond pour Juppé. On ne dira pas qui a écrit le sketch comme ça. Hop, non. Tout est noyé. Hop, comme ça. On va dénoncer les collaborateurs. Sam Carman a retrouvé ses réflexes d'inspecteur chez Navarro. Oui, un peu. Oui, c'est à peu près ça, hein, ce qu'on jouait. Ah oui ? Mais non. Oh non, c'était pas ça. Avec des blagues, c'était pareil, mais avec des blagues. Toute mon adolescence, je regardais avec mon grand-père. J'ai pensé pour lui. Sam Carman, merci beaucoup d'être resté avec nous. Bah merci. Je rappelle qu'on peut vous voir donc au théâtre dans Petits crimes conjugaux avec Fanny Cottençon. C'est une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau. Ouais. Et c'est super bien. Ouais, c'est super bien. Et ça n'est pas intelligent. Je veux le dire parce que voilà. Et c'est con, c'est facile à comprendre. C'est ce que vous avez dit de dire pour la promo. C'est au théâtre Rive Gauche du mardi au samedi à 21h. Donc, c'est un peu philosophique, on l'a dit tout à l'heure aussi. En matinée le dimanche à 15h. Et tiens, vous serez à l'affiche d'un film qui s'appelle Rupture pour tous. Oui, c'est vrai. D'Irip Capitaine. Ce sera ensemble le 23 novembre. Oui, c'est vrai. Et voilà, on sait tout, vous savez. Et merci beaucoup. C'est une équipe aussi, hein, si tu écoutes, j'annule tout. Aujourd'hui, il y avait Élise Christophe à la technique et à la préparation, Nathalie Romero, Sarah Masson, Irène Menahem qui aide notamment Guillaume Meurice, elle a bien du courage, ça te comptera pour la pénibilité. Benjamin Riquet à la réalisation. Allez, voici le mot de la fin à Nicolas Sarkozy qui était ce matin sur France Inter. Il a dit ceci. Pourquoi voudriez-vous que je fasse demain ce que j'ai pas fait hier ? Du lundi au vendredi matin à 9h10, Boomerang, le rendez-vous culture de France Inter. Augustin Trapenard. Demain, je reçois Lescope, coqueluche de cette nouvelle pop new wave qu'il appelle variété bipolaire ou R&B sous Xanax. Il faut dire que c'est un garçon dérangé. Partout, étranger. C'est un garçon dérangé. Le nouveau Lescope sort vendredi et il est dans Boomerang. Demain matin sur France Inter, à partir de 9h10. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Les Nuits de Champagne à Troyes, du 23 au 29 octobre. Avec Assaf Avidan, Fahad Afredi, Louise Attaque, Stacey Kent, Cyril Mokayesh, Mickey 3D et le grand choral de Pascal Obispo, Symphonie et Polyphonie, interprétés par les 900 choristes du festival. Retrouvez aussi les émissions de France Inter en direct et en public au Théâtre de Champagne en préouverture des Nuits de Champagne avec L'Est Éclair. Toutes les infos sur franceinter.fr. Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline Vanhoenacker. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Le programme de ce mardi soir à 18h15. On va faire un tour d'Europe des politiques contre le tabagisme. Nos correspondants en Espagne, Allemagne, Grande-Bretagne, Scandinavie. Et ici à Paris, le pneumologue Bertrand Dotzenberg, invité d'Un jour dans le monde. À 19h20, le téléphone sonne sur François Hollande. Ce président qui parle trop aux journalistes. Avec une telle ampleur, est-ce nouveau ? Vos questions à trois journalistes politiques au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal Florence Paracuelos, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une ce soir, des enseignants et des policiers agressés, des policiers rappelés à l'ordre après leur